Vous écoutez CKRL 89.1. Actualité. Bonjour, ici Dominique Lelièvre et les informations. Dossier du pont de Québec d'abord. Le gouvernement fédéral ratera l'échéance du 30 juin qu'il s'était fixé en campagne électorale. C'est ce qu'a confirmé ce matin Joël Einbond, le député fédéral de Louis-Hébert. Le député maintient sa position à l'effet que le fédéral est prêt à allonger 75 millions de dollars pour la peinture du pont, mais que cet argent pourrait servir à d'autres infrastructures selon la volonté du palier municipal. Dressant le bilan de sa dernière session parlementaire, Joël Lightbound s'est félicité du financement de l'Institut national d'optique et de l'ouverture d'un centre de prédédouanement à l'aéroport de Québec. J'ai pas de date pour la rencontre. En ce moment, les maires sont à l'étranger. C'est des gens qui ont des horaires très occupés. Il faut coordonner le tout, mais définitivement, c'est dans les cartons d'avoir une deuxième rencontre. Le député maintient sa position à l'effet que le fédéral est prêt à allonger 75 millions pour la peinture du pont, mais que cet argent pourrait servir également à d'autres infrastructures, selon la volonté du palais municipal. Dressant le bilan de sa première session en parlementaire, Joël Einbond s'est félicité de l'ouverture d'un centre de prédédouanement à l'aéroport de Québec. Je trouve un peu mystifiant d'entendre les conservateurs nous reprocher d'avoir abandonné le pont de Québec quand pendant 10 ans ils n'ont pas donné un coup de peinture, quand pendant 10 ans ils se sont cachés derrière les tribunaux, quand M. Harper venait à Québec et qui blaguait, qui disait « Est-ce que le pont de Québec existe encore. » Donc, je pense que nous, on a une discussion qui est franche, on a une discussion qui est ouverte, où on veut essayer de trouver des solutions, puis regarder quelle serait la meilleure utilisation des fonds publics. Puis, c'est pas au fédéral de venir prioriser, c'est aux municipalités, c'est aux provinciales. Puis, si ça devient la priorité pour ces acteurs-là, bien, le fédéral reste un partenaire, puis notre 75 millions est toujours là. Puis, il y a des choses aussi que les conservateurs, dans leur bilan de fin de session, ont habilement oublié. L'aéroport de Québec, c'est un des dossiers qui était ma priorité ici dans Louis-Hébert, l'aéroport Jean-Lesage, qui cherchait à obtenir un centre de prédédouanement. Puis, jamais on a été aussi proche d'avoir un centre de prédédouanement à l'aéroport Jean-Lesage. Qui va aider les entrepreneurs, qui va aider les citoyens dans leurs déplacements. Le président du Mexique, Enrique Peña Nieto, entame aujourd'hui à Québec une visite officielle de 3 jours au pays. C'est la première fois en 25 ans qu'un dirigeant mexicain effectue un arrêt dans la vieille capitale. Une importante présence policière est déployée dans le secteur du château Frontenac, où le dignitaire prend part à un dîner de la Chambre de commerce. Le président mexicain rencontrera ensuite le premier ministre Philippe Couillard. Ils parleront notamment de relations économiques, le Mexique étant le quatrième partenaire économique de la province. Quelques dizaines de manifestants se sont déplacés pour s'assurer que le sujet des droits humains ne soit pas oublié. Enfin, malgré le succès de foule qu'a connu la baie de Beauport en fin de semaine, le RTC n'envisage toujours pas de relier le site à son réseau. En entrevue à Radio-Canada, son président, Normand Rémy, a remis en doute la rentabilité d'un parcours qui se rendrait jusqu'à la baie. Il rappelle que d'autres lieux similaires, comme la plage Jacques-Cartier dans le secteur de Cap-Rouge ou encore la base de plein air de Sainte-Foy, ne sont pas non plus desservis par le RTC. Le président du RTC qui affirme qu'il veut être un partenaire de la baie, mais que l'opération doit être rentable pour son entreprise, soulignant le succès des navettes du RTC lors du spectacle de Mumford & Sons. Voilà, c'était les informations à CKRL.